Thank you. J'ai tout passé, j'ai tout passé l'ordinateur. fois-là, merci. Hit him. manque une basse. Jean-Pierre François, le batteur.

to love.